Le 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin ont occasionné séminaires sur une œuvre classique du général, rassemblements et expositions de photos et de livres, séances de films et autres manifestations en Finlande, en Algérie, au Nigeria, en Afrique du Sud et en Suède du 12 au 19 juin. En Finlande et en Suède, on adoptait les messages de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.